Voici donc Marie-Blanche, devenue mademoiselle Irène des Ifs, grâce à la générosité de Blanche-Marie, qui, dans son bon cœur, a trouvé naturel de se sacrifier à sa pétulante sœur. Se sacrifier ? Parfaitement. Car enfin, chacune des jeunes filles ne souhaitait devenir la fille du général que pour être bientôt d'après la femme de Gaston Rigaud. Voilà où réside le mérite de Blanche-Marie. Le soir même de la reconnaissance de paternité, Marie-Blanche a été fiancée officiellement à Gaston. Et Blanche-Marie est devenue la promise d'Aristide. Oh, ce n'est pas qu'il soit déplaisant, Aristide, non. Il est jeune, frais comme une rose, gai, ardent. Ainsi, tenez, sa future belle-sœur l'apprécie beaucoup, mais sa fiancée le trouve un peu vulgaire. Et puis, elle n'aime pas beaucoup servir le beurre et le fromage. Tandis que Marie-Blanche, par contre, ne se plaît que dans la boutique des Michus et s'ennuie terriblement dans le grand monde qui est désormais le sien. Bref, le temps des accordages se passe tant bien que mal. Et ce matin, jour du double mariage, nous voici transportés dans la crèmerie des Michus, à l'enseigne de la Poule aux œufs d'or. Les Michus voudraient bien fermer boutique, mais les clients sont notre femme, qu'est-ce que t'as ? Ah, j'ai parti toujours la même chose. Je n'ai plus qu'une seule fille et que je peux pas m'y faire. Oh, tout ça, c'est des idées. D'abord, depuis 8 jours qu'elle nous a quittés, Marie-Blanche n'a jamais manqué de venir nous embrasser, alors. Oui, mais ça n'empêche pas qu'elle est mademoiselle Désif à présent. Oh, pour si peu de temps. Aujourd'hui même, elle va devenir madame Gaston Rigaud. De même que Blanche-Marie va devenir ma femme, madame Aristide. Eh ben, malgré ça, Michu, j'ai comme un vague pressentiment que ce qui est n'est pas ce qui aurait dû être. Oh, après tout, l'important, c'est que les petites soient heureuses, pas vrai? Oh, heureuses, et ben, la bonne heure. Oui. Oh, mais il est 9h. Oui. Oh, mais il faut penser à notre toilette, hein. C'est à 10h que nous fermons la boutique pour aller à la mairie. Ah oui, rendez-vous général chez les Michus. Les Marie-Blanche a voulu que la noce partie d'ici idéal, où elle a été élevée. Oh, c'est gentil, ça. Oui. Tiens, mais voici Blanche-Marie. Oh, oh, robe de mariée, comme ça lui va bien. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Bonjour, ma fille. Oh, comme elle est jolie. Embrasse-moi. Ah, et moi aussi. Et moi, Aristide. Ou vous, Aristide, plus tard. Oui, plus tard. Elle n'ose pas encore. Allons bien vite nous faire beau, Michu. Allez, viens. C'est ça, je te suis, notre femme. Eh bien, Blanche-Marie, la voilà donc arrivée le grand jour. Oui, oui, Aristide, le voilà arrivé. Ah, vous êtes contente, pas vrai? Ben, dame. Ah, je m'explique votre ravissement, allez. Oh, ça ah, mais il ne peut pas être plus grand que le mien. Depuis des mois et des mois que j'attendais après vous. Ou après Marie-Blanche. Ou après Marie-Blanche. Enfin, non, c'est-à-dire que... Oh, vous n'allez pas essayer de le nier, non? Oh, elle est jalouse. Jalouse, moi? Oh, oui, oui, oui, oui, ben, ça prouve que vous m'aimez, là. Vous trouvez? Ben, j'en suis sûr, seulement, si j'hésitais entre vous deux, ben, ça fait votre éloge à l'une et à l'autre, hein. Et moi, ça me faisait bien souffrir, allez. Je savais plus où j'en... Comme une girouette, mon cœur tournait, tournait. Le vent de la tempête sur moi se déchaînait, sur moi se déchaînait. Était-ce l'une ou l'autre, problème désastreux. Ah, pauvres amoureux, quelle angoisse est la nôtre. Enfin, je suis fixé, le sort s'est prononcé. Ivresse qui m'enflamme, enfin, je suis fixé. Me voilà fiancé, et je vous ai pour femme. Me voilà fiancé, je suis un fiancé. Fixé. Ça vous fait rire? Maintenant je respire, l'orage s'est calmé. J'aime et je puis me dire que moi je suis aimé, que moi je suis aimé. Je possède, cher ange, le trésor de ton cœur, et je t'offre mon bonheur, tout le bien en échange. Enfin je suis fixé, le sort s'est prononcé, ivresse qui m'enflamme, enfin je suis fixé. Me voilà fiancé, et je vous ai pour femme. Me voilà fiancé, je suis un fiancé fixé. Ce pauvre Aristide, c'est un bon garçon tout de même. Et ça me ferait de la peine de le détromper. Oh, ma petite femme, ma chère petite femme. Oh, j'aurais tant voulu un petit baiser. Non, plus tard, plus tard. Oh, ben plus tard, pardi, il y aura autre chose avec, j'y compte bien, mais en attendant, si je vous le demandais à genoux, là. Oh, par exemple. Tenez, m'y voici à genoux, là. Mais voulez-vous bien vous relever? Non, je ne me relèverai pas, non. À la bonne heure, Marie Blanche. Il me semble que je suis trop. Oh, non, pas du tout, petite sœur. Au contraire. Mais comment ça, vous n'avez pas la patience d'attendre monsieur le maire? Ce n'est pas moi. C'est Aristide. Eh ben, un jour pareil, on a bien le droit d'être exubérant, hein. Ah, il est exubérant, lui. Bah oui, son œil est très exubérant, en effet. Fusilier Bagnolet, avancez à l'ordre. Présent, mademoiselle. Mon Dieu, que de carton, il a dans les bras. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Nos coiffures et nos bouquets de mariée. Mais mon pauvre Bagnolet. Mais vous avez oublié le carton aux voiles. Oh, les voiles, est-ce qu'on pourrait pas s'en passer pour une fois, oh, par hasard, mademoiselle? Oh, des mariées sans voile, non mais ça serait du joli. Allons, fusilier Bagnolet, par file, à gauche. Ben c'est bon, mademoiselle, on y va. Tout de même, ce n'est pas drôle pour un cantinier d'être cartonnier. Enfin, on y va, mademoiselle, on y va. Et vous, Aristide, allez vite vous habiller. Mais vous ne serez jamais prêt. Oui, j'y vais, ma petite femme. Comme elle est impatiente. À tout à l'heure, ma petite femme, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure, oui. Oh, l'exubérance lui va bien, tout de même, à ce brave Aristide. Et maintenant que nous voilà seuls, causons, veux-tu, ma chère Blanche-Marie? Je veux bien, Marie-Blanche. Causons comme au bon temps. Es-tu heureuse? Et toi? Oh, moi, oui et non. Comment ça, oui et non? Mon Dieu, le capitaine est aimable. Empressé même, oui. Il me plaît toujours beaucoup, seulement. Seulement? Oh, d'abord, je m'amuse pas beaucoup à l'hôtel des Ifs. On reçoit des gens en cérémonie, il faut être guindé. Oh, ben moi, j'en ai pas l'habitude. Puis il paraît que ça se voit. Parce que tout le temps, ce sont des conseils, des remontrances. Pour comble, on a suspendu dans ma chambre le portrait de la marquise des Ifs, ma mère, pour l'instant. Une belle dame, en costume Louis XVI, en me recommandant de prendre modèle sur sa distinction. Eh bien, j'ai beau faire, je sens que je ne pourrais jamais lui ressembler. Oh, tu sais, maman, j'étais bien plus à mon aise chez maman Michu. Mais qu'importe, pourvu que ton futur mari soit gentil. Mon futur mari, eh bien, je crains bien qu'il ne partage un peu trop les opinions de son général. Ah? Oh, il ne dit rien. Oh. Seulement, il a une façon de me laisser entendre. Sa plus habituelle, eh bien, de me faire ton éloge et de te citer comme exemple. Moi? Oui. Voyez comme mademoiselle Blanche-Marie a l'air réfléchie et modeste. Voyez comme elle est distinguée. Si je voulais être jalouse... Oh, j'espère bien que tu ne l'es pas. Oh, ben, il ferait beau voir. Oui, ben, c'est assez parlé de moi. À ton tour de te confesser. T'es-tu faite un peu à la boutique? Ouf. Je m'en veux à moi-même et j'ai grand tort, je le sais bien. Ce métier, il faut que je l'aime. Et bien cela ne me dit rien. Et bien cela ne me dit rien. Pour une âme un peu poétique, ici tout est triste et banal. Et c'est en vain que je m'applique. Ce n'est pas là mon idéal. Ma sœurette, ou bien je regrette la pension. Quelquefois, on était punis. Mais chez Mademoiselle Herpin, tu n'avais pas Aristide. Et il t'aime, Aristide. Tu l'aimes aussi, toi. Oh, il n'est pas méchant. Oh, mais dis donc, mais tu me parais manquer d'enthousiasme. Mais tu en manques bien, toi. Oh, c'est vrai. Enfin, on se fait à tout. Oui, on se fait à tout. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en aurai le cœur net. Oh, mais voici le général, avec le capitaine. Qu'est-ce que je vous disais, capitaine? Elle n'en sort plus de cette boutique, votre fiancée. Une des ifs. Oh, mais monsieur, mon papa, parbleu, je sais que vous allez me retourner comme un gant. On ne peut pas lui tenir rigueur à ce satané démon-là. Mais enfin, corbleu, tâche donc d'imiter la réserve de Mademoiselle Blanche-Marie, dont ce serait plutôt le rôle. Oh, mais c'est plus fort que moi. Et c'est peut-être trop fort pour vous, Mademoiselle Blanche-Marie. Oh, capitaine. Tiens, qu'est-ce que j'entends là? Et vous, les Michus, vous la laissez faire. Dépêchez-vous de fermer votre boutique pour qu'il ne prenne plus fantaisie à ma fille de servir encore des clients. Oui, tout de suite, mon général. Aristide Voilà, je suis prêt. Ma petite femme, je suis beau, hein? Oh oui, très beau, monsieur Aristide. Oh, comme la toilette lui va bien. Messieurs, je vous présente Aristide, mon filleul et mon gendre. Messieurs, enchanté. Non, à cette cérémonie. Aide-moi à mettre les volets, tout de suite. Allez. Oh, mais c'est pas pour ça que j'ai mis des gants. Je te permets de les enlever. Allez, fermons la boutique. Un instant, laissez-moi entrer d'abord. Monsieur Herpin. Bonjour, mes enfants. Bonjour, mon neveu. Bonjour, ma tante. Mon général, Mademoiselle Herpin, ma tante. Mademoiselle, je vous connaissais déjà de nom. L'éducation de ma fille. Dernier rejeton d'une famille de soldats. Touchez-la! Général! Contente de marier votre neveu, régaillard! Une fille qui me ressemble! Mais je vais à la mairie voir où ils en sont! Attendez-moi tous! Chère mignonne, je vous ai amené quelques-unes de vos anciennes compagnes! Oh, qu'est-ce que c'est une bonne idée! Et je vous annonce en même temps une députation! Qui veut du beurre? Qui veut du... des œufs. Allons, voyons, pas de manière. De quoi ce poisson-là, pas vrai? On t'en fichera, grande mijaurée. As-tu fini? Là, ce que tu fais. Et va donc, madame, la sucrerie. Oral, mon âme, esprit subtil, on n'y craint ni trompe ni l'or, car cette âme que rien ne file, ne file la coupe et l'or. Oral, mon âme, esprit subtil, on n'y craint ni trompe ni l'or, car cette âme que rien ne file, ne file la coupe et l'or. Cette Marie Blanche, hein, ça, voyez ça. Ah, oui, seulement maintenant, qu'est-ce que nous allons faire, hein? Mes enfants, la cérémonie est retardée d'une heure, nous a dit le général. Oh, oh, attends, attends, attends. Pour passer le temps, j'offre une tournée en face à l'escargot de Bourgogne. Oh, et moi, je vais tenir compagnie à ma femme. Non, et toi, Blanche-Marie? À moi? Oui, je désire passer ces derniers instants dans ma chambre de jeune fille, avant de la quitter pour toujours. Et puis, je veux savoir à quoi m'en tenir sur tout ça. Vous pouvez vous asseoir, capitaine. Oh, merci, je ne saurais tenir en place. L'impatience? C'est peut-être pour dissimuler la vôtre que vous affectez tant de calme. Oh, la mienne? Ce serait pourtant bien naturel. Monsieur Aristide est un assez bon parti pour cela. Qu'en savez-vous? Mademoiselle Desif me l'a dit à plusieurs reprises. On n'a pourtant rien à m'envier. Bah, qui sait? Par le temps qui court, le métier de soldat est si hasardeux. La guerre a ses bonnes comme ses mauvaises chances. Tandis qu'un commerçant, un boutiquier... C'est peut-être vous qui avez fait le bon choix. Je vous en félicite. Mais qu'avez-vous? Moi? Rien du tout. Vous aurais-je sans le vouloir causé quelque peine? De la peine? Monsieur Gaston, je suis heureuse, très heureuse. Pourquoi le dire sur ce ton? C'est que je suis un peu nerveuse. On dirait que votre regard trahit quelque peine secrète. J'ai tiré l'aiguille très tard à terminer cette toilette. Sur vos lèvres, je cherche en vain autrefois le joyeux sourire. Je ne veux pas y contredire, mais ce sera fini demain. Sachant y cacher mes alarmes, qui vit sous un air indifférent, dissimuler adroitement mes larmes. Sachant y cacher mes alarmes, qui vit sous un air indifférent. Mais vous-même, précisément, n'avez-vous pas quelque tristesse? Vous vous trompez assurément, mon cœur est rempli d'allégresse. Sur votre front semble passer en ce moment même un nuage. Il suffirait pour l'effacer de contempler votre visage. Bref, je vous ai connu, je crois, plus heureux, répondez sans fraude. Oui, c'était la première fois et vous jouiez à la main chaude. Tenez, capitaine, cessons cette conversation, voulez-vous? Mais pourquoi? Parce que... Oh non, c'est plus fort que moi. Vous pleurez. Non, non. Voici vos parents. Calmez-vous. Vous pleurez, Blanche-Marie? Moi? Non, non. Mais si tu pleures, petite sœur, n'est-ce pas, M. Gaston? Mais je ne sais pour quelle raison mademoiselle aurait pleuré. Peut-être à cause de mon absence. Pauvre ami, va. Bien, je le sais, moi. Je le sais, n'est-ce pas, petite sœur, que j'ai deviné? Eh bien, oui. Mais c'est qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il faut absolument trouver un moyen. Ah oui, oui, petite sœur. Oh, j'ai bien peur qu'il n'y en ait plus maintenant. Si, attends, j'ai trouvé. Quoi? Ça ne vous regarde pas, laissez-moi faire. Mademoiselle. Mademoiselle, voici les voiles, mademoiselle. Bagnolet, il arrive à pic. Mon bon Bagnolet, vous allez repartir. Oui, écoutez-moi, je veux que personne n'entende ce que je vais vous dire. Non, mademoiselle. Vous allez courir à l'hôtel des Ifs. Oui, mademoiselle. Vous irez dans ma chambre, vous décrocherez le portrait de la marquise qui est en face de mon lit, et vous me l'apporterez ici. Bien, mademoiselle. C'est entendu, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle. Oui. Allez, allez, vite, vite, vite. Et maintenant, à l'ouvrage, petite sœur. Il faut m'obéir de point en point et sans m'adresser la moindre. Assieds-toi là. Que veux-tu faire? Obéis-moi sans raisonner. De vous tous, je fais mon affaire. Mais rien ne doit vous étonner. Gaston, donnez-moi, je vous prie, la glace au-dessus du comptoir. La voici. Je vous remercie de la façon que tu pourras voir. À quel point vous êtes jolie. Maman Michu, tu trouveras ma boîte à poudre sur ma table. Va vite, tu la porteras. C'est une enfant inconcevable. Toi, papa Michu, de ce pas, cherche un peigne. Un peigne, dis-moi. Et vous, Aristide, d'un vieux chapeau, coupez la bride. C'est un démon. Ne bouge pas, ne bouge pas. Je n'y comprends rien sur l'honneur qu'il y a du tout, mais que nous importe, puisqu'en agissant de la sorte, elle agit pour notre honneur. Je n'y comprends rien sur l'honneur qu'il y a du tout, mais que nous importe, puisqu'en agissant de la sorte, elle agit pour notre bonheur. V'là le peigne, le ruban. J'espère qu'il vous conviendra. C'est très bien. La poudre. Il n'y manque plus rien. Attention, attention, car je commence. Une poudre à frima. Madame la marquise, quoi qu'ici l'on en dise, rehausse les appâts. Elle donne au sourire un air plus langoureux, au regard plus d'empire, de douceur aux cheveux. Si près du front, mademoiselle, voilà ce que vous m'avez demandé. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Regardez. Un portrait? Celui de la marquise des Ifs. Et dites-moi si ce n'est pas en même temps celui de Blanche-Marie. Oh, c'est vrai. C'est frappant. Allons, dépêchons. Le maire nous attend. Général, vous arrivez bien. Regardez un peu ceci. Hein? Le portrait de la marquise, ici? Dont je vous présente un nouvel original sous les traits de Blanche-Marie. Oh, prodigieux. Mais la voilà, ma fille. Qu'est-ce que vous me chantiez depuis 8 jours? Et vous ne vous étiez aperçu de rien? Vous êtes donc tous des crétins. Eh ben, et vous? Je suis votre général. Oh, pardon, monsieur. Mais alors, capitaine, changement de front, les mains passent. À vous, Blanche-Marie. Et moi, à Aristide. Vous savez que j'avais jamais hésité. Permettez que j'embrasse ces deux enfants. Ah, Michu, n'y touche plus. Pourquoi? Tu les mets encore. Oh. Blanche-Marie et Marie-Blanche, mesdames, messieurs, n'ont qu'un souhait. Pour que leur gaieté soit bien franche, applaudissez-vous, s'il vous plaît.